En ces temps-là, les enfants mal élevés, ils mangeaient toute une volée. À cette époque, des papas se saoulaient après leurs enfants, ils battaient. Mais pourquoi donc on s'ennuie autant des Noël flatulents d'antan? En ces temps-là, les cadeaux, mon bonhomme, c'était une orange et une pomme. Et si papa n'est pas riche, tu ferais mieux d'oublier les jouets. Mais pourquoi donc on s'ennuie autant des Noël flatulents d'antan? Mais qui s'ennuie de la messe de minuit, de l'éternel serment du curé? La messe de minuit, de l'éternel serment du curé. À cette époque, c'était la religion qui faisait marcher la nation. Quand venait le temps du réveillon, la fumée, les becs mouillés, les postillons. Mais pourquoi donc on s'ennuie autant des Noël flatulents dans le temps?